Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, la vie et l'œuvre de Colette. Monsieur William a pris connaissance des manuscrits et il a dit tout de suite, ben non, non, je ne vois pas bien, non, vraiment pas, à quoi ça pourrait servir. Et on a laissé les cahiers là. Ah non, après Monsieur Willy a rangé son bureau et les tiroirs. Et puis il a retrouvé les cahiers. Alors il a eu en effet une réaction que je n'ai pas oubliée. Il a dit, nom de Dieu, je ne suis qu'un con. C'est comme ça que je suis devenu écrivain. C'est un extrait du récent film de Cécile Dangean, Colette l'insoumise, que vous venez d'entendre. Dans une entrevue qu'elle accorde en 1945, Colette raconte comment elle est en quelque sorte devenue écrivaine par accident. C'est Willy, son mari de l'époque, qui la pousse d'abord à écrire. Sa série des Claudines va connaître un énorme succès et marquera du coup le début du parcours littéraire d'une des plus grandes plumes de la littérature française du 20e siècle. Au moment de m'adresser pour la première fois au vaste public qui écoute le disque, on me demande de porter moi-même une sorte de jugement sur mon œuvre. C'est la chose au monde que je sais faire le moins. Et pourquoi, à ce compte, ne me demande-t-on pas quelques considérations générales sur l'art de la tapisserie? Là, du moins, je me sentirais un peu de compétence, après tout. Depuis 10 ans que je m'accorde de nouveau la douceur du point croisé, j'ai passé presque autant de temps l'aiguille en main que le stylo. Il m'a fallu beaucoup de temps pour noircir une 40aine de volumes. Que d'heures dérobées au voyage, à la flânerie, à la lecture et à une féminine et saine coquetterie. Il est difficile de mettre un terme à soi-même, mais s'il ne faut qu'essayer, c'est dit. Je sais. Colette, sur un disque qu'elle enregistre en 1955 pour nous présenter l'œuvre de Colette, mais aussi le personnage, ce personnage haut en couleur qu'elle a été. Je reçois Frédéric Maget, qui est président des Amis de Colette et de la Maison Colette et qui vient de faire paraître le livre « Les 7 vies de Colette ». Frédéric Maget, bonjour. Bonjour. Quelle place elle occupe pour vous, Colette, dans le firmament de la littérature française? Une place à la fois centrale et marginale. Centrale parce qu'elle incarne le génie de la langue française porté probablement à un point d'excellence qu'on ne retrouvera pas. Et un peu marginale parce qu'encore aujourd'hui, elle n'a peut-être pas la reconnaissance que son confrère, par exemple, Marcel Proust, a aujourd'hui. Donc, à la fois centrale et marginale. Et quelqu'un qui, on l'entend un petit peu déjà dans ce petit extrait qu'on vient d'entendre, tiré de ce disque enregistré en 1955, quelqu'un qui vient à l'écriture par accident, ça on va y revenir, mais qui aussi, dans ce qu'on vient d'entendre, est un peu distraite par l'écriture. Au fond, la vie, l'écriture la distrait de cette vie qu'elle aime tant. Mais Colette n'aurait eu de cesse de dire que si elle avait pu faire autre chose qu'écrire, elle l'aurait fait. Elle dit qu'elle n'avait pas la vocation d'écrire et que c'est une succession d'accidents qui l'a poussée à produire une œuvre pourtant très très importante, près d'une 60aine de volumes. Donc il y a une sorte de paradoxe qui est peut-être aussi un signe de modestie et d'humilité, alors que lorsqu'elle prononce ces quelques mots, elle est déjà considérée comme une des plus grandes gloires de la littérature française et peut-être d'ailleurs mondiale à cette époque-là. Eh bien, elle semble dire que c'est pas si important que ça. Et en même temps, il y a ceci de très touchant. Elle semble dire qu'elle est toujours à la recherche d'un renouvellement, d'un changement. C'est-à-dire, on est toujours en capacité de mettre fin à soi-même, c'est ce qu'elle dit, c'est-à-dire de se transformer, de changer. La vie est un perpétuel mouvement et il faut être capable de suivre ce mouvement. L'écriture de Colette, comment vous la définiriez? À quoi se reconnaît Colette? C'est une écriture d'une grande perfection stylistique, extrêmement charnelle, extrêmement sensuelle. Probablement, Colette est l'auteur français qui a réussi à faire rentrer toutes les sensations dans la langue française. C'est-à-dire, quand vous lisez un texte de Colette, vous sentez une odeur, vous sentez le goût, vous pouvez toucher quelque chose. C'est une écriture qui vous rend le monde palpable, très accessible. Ouais. L'enfance, ce sera important pour Colette. Elle va toute sa vie garder de précieux souvenirs de son enfance. Ça va se retrouver d'ailleurs, cette enfance de Colette, dans son écriture, dans son œuvre. Commençons par là, Frédéric Maget. Quel genre d'enfance est là, Colette? Une enfance d'abord très très heureuse auprès de parents qui s'adorent et qui sont des gens tout à fait hors normes pour l'époque, qui vont donner à leurs enfants une éducation très libre, presque libertaire, j'ai envie de dire. Et une deuxième partie de l'enfance qui va être plus tragique puisque la famille, peut-être même en raison de ses idées très libertaires, est ostracisée par le reste du village et donc tenue un petit peu à l'écart. Des problèmes d'argent vont se surajouter à cette mauvaise réputation et la famille va être contrainte à l'exil alors que Colette a 18 ans, ce qui va être pour elle un véritable traumatisme. Et on peut dire que Colette, finalement, est devenue écrivaine, peut-être pour réparer ce traumatisme initial et pour essayer de retrouver ce bonheur perdu qu'elle avait connu dans l'enfance. Je vous présente ma femme, Colette. Vous avez épousé un écrivain à la peine. Tu as épousé une petite paysanne sans le sou. C'est sans espoir. J'ai eu une idée remarquable. Vous pourriez écrire pour moi. Quoi ? Les histoires que vous m'avez racontées. Mes années d'écolière ? Oui, ce serait mon nouveau roman. Je m'appelle Claudine. J'habite Montigny. Probablement, je n'y mourrai pas. Il est déjà parvenu à faire de vous son nègre. C'est tout ? C'est trop féminin. Plus de piquant, moins de littérature. C'est le plus grand succès que nous ayons connu à ce jour. Savez-vous qui l'achète ? Les jeunes filles. Ah oui ? C'est un phénomène. Le tout Paris dit que ton mari est un génie. Claudine ! Madame Colette, j'ai cru comprendre que Willy s'était inspiré de vos années d'écolière. En effet, j'ai eu le loisir d'apporter ma contribution. C'est un extrait de la bande-annonce du film Colette, réalisé par Wash Westmoreland en 2017, que vous venez d'entendre. C'est donc par son premier mari, Henri Gauthier-Villard, qu'on appelle Willy, et qu'elle épouse en 1893, que Colette en vient à l'écriture. On va revenir sur l'écriture de cette série des Claudines dans un instant. Mais d'abord, un mot sur Willy, Frédéric Maget. Quelle importance il va avoir dans la vie de Colette? Alors, Colette n'aura de cesse, à partir des années 30, de dire qu'il n'a eu aucune importance, sinon une importance négative. Mais en réalité, Willy va permettre à Colette d'échapper à la misère qu'elle connaît à l'époque, puisque Colette et sa famille est ruinée, donc elle n'a pas de dot, elle est dans une région très isolée et elle se dit tout simplement, cette jeune fille qui est belle, qui est intelligente, je vais mourir dans ce trou. Et Willy, qui lui est déjà un journaliste très célèbre, très en vue, une grande figure du Paris de la Belle Époque, va tomber en amour de cette jeune femme, va accepter de l'épouser malgré l'absence de dot et va l'introduire dans tous les cercles littéraires, artistiques de Paris et va faire son éducation dans tous les sens du terme, aussi bien sensuelle, bien sûr, que littéraire. Et ils sont vraiment, à l'époque... D'ailleurs, ce portrait de cette période de la Belle Époque, on le retrouve dans l'œuvre de Colette plus tard, mais ils font partie du Paris qui compte à ce moment-là. Du Paris qui brille, en tout cas. Willy et Colette forment un couple extrêmement en vue à l'époque. Lui est un critique musical qui est très craint à l'époque. Ses critiques qui paraissent sous le titre « Les chroniques de l'ouvreuse du cirque d'été » font la pluie et le beau temps quasiment, donc il est vraiment reçu partout. Quant à Colette, eh bien, très vite, on la remarque parce qu'elle ne ressemble pas du tout à la jeune parisienne de cette époque-là. Elle a des cheveux très longs qu'elle ramène en natte dans le dos, qui fouette ses hanches. Elle a cet accent bourguignon qu'on a entendu tout à l'heure. Et elle est très vive, très piquante. Et donc, très, très vite, ils sont reçus par tout le monde à Paris. Et pour Colette, c'est une période vraiment très effervescente, comparable à l'image qu'on se fait de la Belle Époque. Ouais. Revenons sur cette série des Claudines. C'est par là donc que commence la carrière littéraire de Colette. Et c'est Willy qui pousse Colette à écrire son premier roman, Claudine à l'école. Il y aura 4 Claudines au total. Ça va connaître un immense succès, cette série des Claudines. Les textes, évidemment, sont écrits par Colette, mais signés du nom de Willy. On écoute Colette parler de ce contexte assez particulier qui entoure la publication des Claudines, au micro d'André Parineau à Radio France en 1949. Vous aviez alors quel âge, madame, lorsque vous avez écrit Claudine à l'école? Je ne sais pas, ça devait être dans les 22 ans, oui, pas beaucoup plus, puisque je n'ai séjourné que 3 ans dans ce funèbre petit appartement de la rue Jacob. Mais je crois que M. Willy avait fait plus que vous demander d'écrire Claudine. Il vous l'avait presque ordonné, n'est-ce pas? Ordonné. Ce sont des choses... Est-ce que vous n'êtes venu que pour me rappeler une époque déplaisante de ma vie? Certainement pas. Mais en tout cas, j'aimerais que vous me disiez pour quelle raison vous vous êtes plié de si bonne grâce aux volontés de M. Willy. Et quelle raison aurais-je eu de me refuser à un essai qu'on me demandait? Est-ce que M. Willy, dès le départ, vous a aidé à écrire Claudine par des conversations, par exemple, en vous indiquant des personnages ou des situations? Plutôt par des indications, en effet. Oui, je ne vois pas d'autre manière qu'il ait eu de ce que vous appelez, de m'aider. Non, je ne vois pas bien. Ça ne peut pas s'appeler une aide, non. Plutôt un conseil. C'est assez extraordinaire ce qu'on vient d'entendre, Frédéric Maget. Ça montre la complexité, au fond. Il y a un formidable paradoxe dans cette écriture des Claudine, dans cette relation de Willy et de Colette. C'est à la fois son tremplin, c'est ce qui l'amène à écrire. En même temps, il y a quelque chose, c'est une entreprise un peu vile. Elle est le nègre de Willy, en fait. Oui, mais il faut replonger les choses dans le contexte. À l'époque, Willy est célèbre pour avoir des ateliers, c'est-à-dire que lui-même a une activité énorme. Il doit écrire des chroniques donc, de concerts, mais aussi de spectacles, des nouvelles, des contes, des romans. Donc, il ne peut pas faire face. Il engage de jeunes écrivains brillants qui n'ont pas d'argent et à qui il va proposer une sorte d'accord, c'est-à-dire que je vous donne de l'argent, vous me donnez de la copie et avec ça, on va former des romans qui vont connaître le succès. Et ces jeunes écrivains qui vont devenir célèbres par la suite sont très contents de ce système. Et donc Colette, elle-même, va rentrer dans ce système des ateliers. Elle a à peu près d'ailleurs le même âge que les autres collaborateurs. Et elle va écrire donc Claudine à l'école qui s'inspire de ses souvenirs d'enfance. Et dans Claudine à l'école, elle ne fait pas que rappeler son enfance, elle se venge aussi des habitants de Saint-Sauveur qui avaient condamné sa famille au départ. Il faut dire que tout le monde se reconnaît là-bas, hein, de l'institutrice aux députés, des camarades de classe aux voisins, méchants, avares, vicieux, des bandits, des feignants. Donc imaginez, elle n'aurait jamais pu signer ce livre quand bien même elle l'aurait voulu. Ça l'arrangeait dans un premier temps que ce livre soit signé Willy. En plus de ça, elle n'avait pas tellement envie d'écrire, elle ne se sentait pas une vocation d'écrivaine. Elle n'imaginait pas que Claudine allait devenir le plus gros succès de la Belle Époque. Et c'est vraiment un immense succès pour l'époque. Puis Willy, il faut bien le dire, a le sens du commerce et des affaires. Il va mousser ces livres-là. Mais vraiment, il y a quelque chose de très moderne dans sa façon de faire, on dirait aujourd'hui, du marketing. La vie de Colette, évidemment, c'est une vie où les périodes se suivent. Il y a comme on tourne une page. Et quand elle quitte Willy, elle change de vie. Une première fois, elle va faire de la scène pendant 6 ans. Elle entreprend à ce moment-là une liaison amoureuse avec Mathilde de Morny. À quoi ressemble cette période de la vie de Colette avec celle qu'on appelle Missy? Alors, autant Colette n'a jamais voulu devenir écrivaine, autant elle a sans doute toujours rêvé de devenir comédienne. Donc, ces années de musical sont des années de très grand bonheur pour elle, qui va inspirer d'ailleurs des chefs-d'œuvre comme La Vagabonde, L'Envers du musical. Elle dira que c'est vraiment la période de sa vie où elle a été le plus heureuse. Et celle qui va permettre cette expérience de la scène, c'est Missy, Mathilde de Morny. C'est la dernière fille du duc de Morny, donc le frère utérin de Napoléon III. Donc c'est un nom très connu à l'époque en France. Elle est extrêmement riche, mais elle est scandaleuse parce qu'elle a fait le choix de vivre sa vie en homme. Ouais. Elle le vit habillée en homme, elle se fait appeler par ses domestiques, oncle Max, mais elle va permettre à Colette, qui est un peu chassée par Willy, il faut le dire, qui a trouvé une jeune femme un peu plus jeune pour la remplacer, elle se trouve de nouveau sans argent. Et Missy va lui permettre, financièrement dans un premier temps, et moralement j'ai envie de dire, d'assumer cette nouvelle expérience et va l'accompagner dans cette aventure. Alors, c'est une relation très complexe, celle de Colette et de Missy. Les lettres aujourd'hui sont connues et publiées. L'amour n'est pas un sentiment honorable, disait Sido, sa mère. C'est-à-dire qu'il y a dans sa relation avec Missy à la fois une part d'intérêt qu'il ne faut pas nier, puisque c'est elle qui lui a permis de se lancer sur scène. Et en même temps, quand on lit notamment les premiers textes d'Évry de la Vigne, un véritable attachement. Et aussi, il faut dire quand même un grand courage de Colette à une époque où ce n'était pas évident de s'afficher à la ville, hein, elle ne se cachait pas avec cette femme qui provoquait véritablement le scandale et qui était la cible des journalistes. À la ville et sur scène, elle provoquera un scandale d'ailleurs. Oui, dans Rêve d'Égypte en 1907, le scandale est tel que le préfet de l'époque est obligé d'interdire le spectacle. Il faut dire qu'à la fin de ce mime où toutes les deux donc jouaient ensemble, Missy jouait en archéologue et Colette une momie qui se réveillait et révélait sa beauté derrière des bandages, elles finissent par échanger un baiser. Et alors là, dans la salle, c'est la bronca de tous les diables. On jette les bancs, on jette toutes sortes d'objets et on est obligé d'interdire le spectacle. 1912, autre page qui se tourne pour Colette. Elle épouse un rédacteur en chef du journal Le Matin, Henri de Jouvenel, et se lance à ce moment-là donc dans une carrière de journaliste. Tant et si bien, Frédéric Maget, c'est peut-être moins connu qu'à cette époque-là, au début des années 20, Colette est une journaliste très reconnue. Oui, elle commence difficilement, puisqu'au départ, Le Matin est un journal un peu conservateur. Donc l'arrivée de cette ancienne mime divorcée passe assez mal. Ses premiers textes, elle doit les signer avec un masque. Hein. On ne veut pas qu'elle donne son nom. Puis très vite, elle va les signer et la qualité de ses textes éclate au grand jour. Colette, c'est vraiment l'art de la chose vue. C'est-à-dire, c'est une femme qui va... physiquement d'ailleurs, se mettre au contact des choses. Elle monte dans les montgolfières, elle monte dans les aéroplanes, elle va assister à des matchs de boxe, elle saute dans un train en marche pour avoir l'interview d'une reine qui est de passage. Et ces textes ont une qualité, évidemment celle de l'écriture, mais aussi une qualité de regard absolument extraordinaire. Joseph Kessel disait que lorsqu'il avait des jeunes qui voulaient devenir journalistes, il en disait « si vous voulez comprendre ce que c'est que le journalisme, lisez le procès de Landru raconté par Colette ». En 1920, autre moment important pour Colette, sur le plan littéraire, elle publie son roman Époque littéraire, elle publie son roman Chéri, un roman qui est inspiré de sa propre vie et de sa liaison, la liaison qu'elle va entretenir avec Bertrand de Jouvenel, qui est le fils de son mari. Il y a un écart d'âge assez important aussi. Colette a presque 50 ans à ce moment-là. Bertrand n'a pas encore 20 ans. Et cette période-là, ce roman est important, mais cette période-là, c'est vraiment aussi pour elle, je pense, un peu un âge d'or sur le plan littéraire. Disons qu'avec Chéri en 1920 commence pour elle la consécration littéraire. Elle va enchaîner les succès. Chéri, il y aura ensuite La Maison de Claudine en 1922 et Le Blé en Herbe en 1923, qui encore aujourd'hui est un de ses romans les plus célèbres. Et c'est plutôt d'ailleurs Le Blé en Herbe qui s'inspire de sa liaison avec Bertrand de Jouvenel. Chéri, d'une certaine façon, annonce ce qui va se passer. Et là commence alors pour Colette la consécration. C'est la Légion d'honneur, donc la République française qui reconnaît son talent. C'est André Gide et le milieu de la NRF qui est tout puissant à l'époque, qui, alors qu'ils avaient tenu un peu leur distance avec cette femme un peu scandaleuse, d'un seul coup lui reconnaissent un génie, le plus grand génie littéraire féminin, dit d'ailleurs André Gide. C'est l'amitié et l'admiration de Marcel Proust. Et Colette entame à ce moment-là une montée en gloire ne s'arrêtera qu'avec sa mort en 1954. Mais c'est aux côtés de Maurice Goutquet qu'elle va mourir, parce que ce sera le dernier homme, enfin son dernier mari, Maurice Goutquet. Elle le marie en 1935 et il sera là, donc, à ses côtés jusqu'à ce qu'elle meure en 1954. J'avais 15 ans lorsqu'il m'est tombé dans les mains un livre de Colette. J'étais un enfant assez romanesque et tout de suite, je m'enflammais et je dis à mes parents, cet être, je l'ai trouvé, c'est Colette. Colette était tout de même, jusqu'à un certain point, d'une nature assez pessimiste. Et la conclusion de ses livres le montrera. Ma tâche a été de la rassurer peu à peu, car elle pensait que la constance dans l'amour d'un homme était une chose qui n'existait pas. Je lui ai dit un jour, mais je vais te le démontrer le contraire, mais il me faudra beaucoup de temps, par essence, pour que tu croies à la constance. On sait que Colette avait 16 ans de plus que moi. C'est peut-être une différence d'âge et peut-être une condition de bonheur. Maurice Goutquet, dans le documentaire radio « Hommage à Colette » diffusé en 1973. Alors, à quoi va ressembler la vie de Colette aux côtés de Maurice Goutquet, avec qui elle va vivre donc jusqu'à sa mort en 1954? Alors Goodgate va effectivement tenir parole, il va être le meilleur ami, c'est-à-dire celui qui va accompagner Colette dans ses dernières années et qui va occuper d'ailleurs des rôles assez multiples, bien sûr compagnon, mais aussi une sorte d'agent littéraire qui va veiller sur la postérité de Colette, puisque c'est lui qui va entreprendre l'édition des œuvres complètes dans les années 40, qui va aller piocher dans les archives de Colette pour former la matière de nouveaux recueils d'inédits. C'est quelqu'un qui va vraiment prendre en main la gestion de l'œuvre de Colette. Et puis, il va jouer aussi un autre rôle plus touchant d'une certaine façon, c'est que Colette, à partir des années 40, est bien sûr une grande gloire nationale à ce moment-là. Elle est sollicitée par tout le monde, tout le monde veut la rencontrer, y compris des gens extrêmement différents d'elle, comme Jean-Paul Sartre ou Simone de Beauvoir, qui incarne pourtant une forme d'engagement politique très différent de son œuvre, mais elle est vraiment reconnue et revendiquée par toutes les générations. Malheureusement, elle est atteinte par l'arthrose, une arthrose très très douloureuse, qui va très vite l'immobiliser dans son lit au Palais Royal. Elle ne peut plus bouger très rapidement. Et c'est vrai que là, Maurice Goodgate va s'arranger pour que ses dernières années soient les plus douces possibles et pour qu'elle puisse continuer à écrire jusqu'au bout. Ouais. Et c'est vrai que quand on lit ses deux derniers ouvrages, que sont Le Fanal Bleu et L'Étoile Vespère, on voit finalement Colette, qui peut-être en partie grâce à Maurice Goodgate, a réussi à atteindre une forme de sérénité et de sagesse qui fait d'ailleurs qu'on célèbre en elle la bonne dame du Palais Royal. Ouais, avec tout ce que ça veut dire, elle aura des funérailles nationales, ce qui est à ce moment-là inédit pour une femme, en 54. Oui, et ben, elle est la première femme à avoir le droit des obsèques nationales en France et la première femme à être décorée donc, de l'ordre grand officier de la Légion d'honneur, ce qui n'ira pas d'ailleurs sans quelques heures, hein, mais ce qui montre que le Colette jusqu'au bout restera scandaleuse, puisque la grande chancellerie, pendant plusieurs années, refuse de lui donner ce grade, considérant qu'on donnerait un mauvais exemple aux jeunes générations. Et il faudra vraiment l'engagement du gouvernement français et des amis de Colette pour qu'elle obtienne ce grade et le droit à ses obsèques nationales, même si jusque sur sa tombe, là encore, le scandale l'accompagnera, puisque vous savez que l'Église lui refusera des obsèques religieuses. Ouais. Frédéric Maget, c'était un plaisir de vous recevoir, président des Amis de Colette et de la Maison Colette. Merci beaucoup. Merci. Je rappelle que vous venez de publier Les Sept Vies de Colette. Merci. Merci beaucoup. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.